I Will Survive, Gloria Gaynor sur RGM. Que de souvenirs avec cette chanson il y a 20 ans ou même encore il y a 2 mois presque maintenant, jour pour jour. Voilà, de très très bons souvenirs. Allez, il est 8h presque 38, on parle anniversaire. Ils sont nés un 7 septembre 1930, naissance de Sonny Rollins, musicien de renom américain, saxophoniste et compositeur de jazz. 1947, naissance d'Henri Sagnier, journaliste sportif, animateur télé français. 1949, naissance de Gloria Gaynor, chanteuse américaine. 1950, naissance de Julie Kavner, actrice américaine connue pour être la voix originale de Marge Simpson dans la série animée Les Simpsons depuis 1989. 1951, naissance de Chrissy Hynde, chanteuse américaine, membre du groupe The Pretenders. 1954, naissance de Corbin Burns, acteur américain vu dans Kiss Kiss Bang Bang dans le rôle d'Arlan Dexter, dans la série télé JAG, psych enquêteur malgré lui dans le rôle d'Henry Spencer, Castle ou encore Hawaii 5-0. 1955, naissance de Mira Furlan, actrice croate connue pour son rôle de Daniel Russo dans la série Lost, Les Disparus, vu également dans NCIS Enquête Spéciale. 1962, naissance de Patrick Cohen, journaliste français de radio et de télévision, chroniqueur dans l'émission C'est à vous. 1968, naissance de Marcel Desailly, ancien footballeur français ayant fait carrière de 1986 à 2006 en jouant à Nantes, Marseille, au Milan AC, à Chelsea, à Algaraf à Doha et au Qatar. Avec les Bleus, il a remporté la Coupe du Monde 98, le Championnat d'Europe 2000, la Coupe des Confédérations en 2001 et 2003. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du foot français, il a été sélectionné à 116 reprises en équipe de France, dont il fut d'ailleurs le capitaine de 2000 à 2004. 1972, naissance de Mathieu Gonnet, pianiste chef d'orchestre français qui a été professeur pendant plusieurs saisons à la Star Academy. 1973, naissance de Shannon Elizabeth, actrice américaine connue pour son rôle de Nadia dans American Pie 1, 2 et 4, son rôle d'Ariette dans le film Love Actually et son rôle de Brooke dans quelques épisodes de la série Z70 Show. 1977, naissance de Maud Fontenoy, navigatrice française. 1978, naissance de Devon Sawa, acteur canadien vu dans NCIS Los Angeles et connu pour son rôle d'Owen Elliott alias Sam Matthews dans la série Nikita. C'est également l'année de naissance de Cartman, animateur radio, comédien, animateur télé, humoriste, chanteur, musicien, producteur français, que de cordes à son arc. Et connu également sous le pseudonyme de Sébastien Patoche, où il a sorti les titres, par exemple, Quand il pète, il trouve son slip, ou encore La cartouche, ou encore bien le titre On va la mettre au fond. C'était en 2014. Souvenez-vous, on s'écoute un petit extrait. Pour l'extrait de Sébastien Patoche alias Cartman. Allez, on continue les anniversaires. 1984, naissance de Vera Zvonareva, joueuse de tennis russe professionnelle depuis 2000, qui en simple a été numéro 2 mondial. C'était en 2010, qui a été une fois finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open, demi-finaliste à l'Open d'Australie et quart de finaliste à Roland-Garros. En double, elle a été numéro 9 mondial en 2005. Elle a gagné une fois l'Open d'Australie ainsi que l'US Open, une fois finaliste à Wimbledon et quart de finaliste à Roland-Garros. Roland-Garros. Elle compte également une médaille de bronze olympique en simple obtenue en 2008 et elle a remporté avec la Russie deux Fed Cup, c'était en 2004 et 2008. 1985, naissance d'Alyssa Diaz, actrice américaine connue pour son rôle de Gloria Cruz dans la série télé American Wives, son rôle de Teresa dans la série Red Donovan, celui de Dariela Marzan dans la série Zo, vu également dans Bones ou encore NCIS Los Angeles. 1987, naissance d'Alexandra Wozniak, joueuse de tennis canadienne professionnelle depuis 2005. Meilleur classement WTA, la 21e place atteinte en 2009, 8e de finaliste à Roland-Garros, 16e de finaliste à l'US Open et 32e de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à Wimbledon. C'est également l'année de naissance d'Evan Rachel Wood, actrice américaine vue dans 13 dans le rôle de Tracy Freeland, Les Disparus, Les Marches du Pouvoir de George Clooney dans le rôle de Molly Steams, la série télé Deuxième Chance dans le rôle de Jesse Samler à la Maison Blanche ou encore True Blood dans le rôle de Sophie Anne Leclerc. En 1978, décédé Keith Moon, musicien britannique, batteur du groupe The Who de 1964 à 1978. Et en 1994, décédé Terence Young, cinéaste britannique connu pour avoir réalisé 3 des films de la série James Bond, James Bond 007 contre Dr No, Bon Baiser de Russie et Opération Tonnerre. Allez, on marque tout de suite une nouvelle pause musicale avec le groupe The Pretenders et le titre Brass in Pocket. Got brass in pocket, gunpowder, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental, gonna make you, make you, make you notice. Got motion, restrained emotion, I've been diving, detailed leaning, no reason. Just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arm, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my satsu, gonna use my fingers, gonna use my, my, my imagination. Cause I gonna make you see. The Pretenders sur le 107 FM, un peu plus de 8h46, je vais peut-être même pouvoir dire 8h47, hein, c'est dans quelques secondes, ça y est, c'est fait, 8h47, on fait un point sur la météo. La météo. Alors, c'est encore pas mal nuageux hein, par endroits, mais ceux-ci vont vite se dissiper pour laisser place aux éclaircies pour aujourd'hui. Des températures sont toutes déjà agréables ce matin. Elles sont comprises entre 16 et 17 degrés. Et pour 3-4, c'est vendredi. Pour cet après-midi, ce sera entre 20 et 22 degrés. Pour ce week-end, eh bien, beau week-end ensoleillé nous attend avec, pour samedi, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin. Entre 21 et 23 degrés pour samedi après-midi et pour dimanche entre 11 et 12 degrés le matin et entre 24 et jusqu'à 26 degrés prévus pour dimanche après-midi. Et oui, vous m'avez bien entendu, très agréable en ce début de mois de septembre. Allez, on file direction le sport. Les résultats sportifs. On commence avec le cyclisme et la Vuelta. L'étape d'hier a été remportée par Alexandre Genies. Le premier français, c'est Thibaut Pinot qui s'est classé 37e. Un mot de tennis maintenant avec l'US Open. Serena Williams s'est qualifiée en 2-7 face à Sevastova. 6-3, 6-0, elle n'a pas fait dans le détail. Et Osaka s'est qualifiée en 2-7 face à Keys. 6-2, 6-4. La finale simple dames opposera donc Serena Williams à Osaka. Ce sera samedi. Et en double féminin, Mladenovic et Babos se sont qualifiés 6-4, 7-6 face à Stosur et Zeng. La française est donc en finale du double féminin. Ce sera dimanche contre Barty et Van de Veeg. Et côté messieurs, aujourd'hui les demi-finales avec Rafael Nadal opposé à Juan Martín Del Potro et Novak Djokovic affrontera Kei Nishikori. Un mot de football maintenant avec la Ligue des Nations. L'Allemagne et la France se sont quittés sur un match nul, 0 partout hier soir avec une très belle performance hein, d'Alphonse Areola qui faisait sa première sélection en équipe de France. Hein. Très très belle performance du gardien évoluant au Paris Saint-Germain. Mais voilà, aucun but. Mais bon, c'est pas grave, ça fait tout de même un point pour l'équipe de France qui dimanche affrontera les Pays-Bas. Et d'ailleurs, il y aura une belle fête après le match hein, puisque les champions du monde seront fêtés après cette rencontre France-Pays-Bas dimanche soir. Du côté de chez nous, en National 2, samedi, Épinal reçoit l'équipe 2 de Reims et en National 3, Thaon-les-Vosges se déplace à Strasbourg et Raon-l'Étape recevra le club d'Amnéville. Un mot de basket, ce week-end en National 1, le Jet Vosges recevra le club de Souffel-Weyersheim. Et à noter que Boris Diaw a annoncé sa retraite hier à 36 ans après 247 sélections en équipe de France. Il a égalé le nombre de sélections de sa maman. Et voilà, il ne voulait pas dépasser le nombre de sélections de sa mère. Donc voilà, 36 ans, il prend sa retraite. Lui qui a évolué notamment pendant de nombreuses années hein, en NBA, qui a même été sacré champion de NBA aux côtés de Tony Parker. Voilà, Babac s'en va. Et du côté de chez nous, à Saint-Nabor, ce week-end, c'est l'Infernal Trail, n'oubliez pas. Allez, on va maintenant passer à notre dernière pause musicale avec The Who et leur titre Behind Blue Eyes. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger